Il est 13h30 et vous avez rendez-vous tout de suite avec Histoire Vivante. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire Vivante. Voici les signaux de télémesure reçus du laboratoire spatial pour études et analyses ultérieures. Cette semaine de l'année géophysique internationale. Je m'appelle Ed Snowden, j'ai 29 ans. À une chasse à l'homme internationale. Le big data, avant les ordinateurs, c'est une longue histoire. Big data et whistleblower. Le silicium écrase parfois le neurone. Tous ces chiffres, une fois récupérés et bien stockés, il manquera 200 000 data scientists. Il y a une volonté de rendre ces données publiques. Si Turmoil décide que votre navigation est suspecte, il transmet l'info à Turbine, qui redirige votre requête vers les serveurs de la NSA. Début mai, je vais lire ce manuscrit chez l'agent. Le 15 mai, je suis cambriolé chez moi. Et voilà le résultat. Le tout en moins de 686 millisecondes. Et complètement à votre insu. Juin 2013, la Maison-Blanche donne l'ordre de retrouver Edward Snowden, qui a révélé avec quantité de fuites de documents les détails des programmes de surveillance de masse américains. Une offensive diplomatique sans précédent est lancée pour capturer le traître, ceci à Hong Kong, mais 50 jours plus tard, c'est en homme libre qu'Edward Snowden sort de l'aéroport de Moscou et Washington doit s'avouer vaincu. C'est une cavale digne des meilleurs films d'espionnage. On lui disait, va-t'en, va-t'en, va-t'en. Soit notre plan fonctionnait et on embarquait dans cet avion, soit ça ne marchait pas. C'était le moment où tout allait basculer, d'un côté ou de l'autre. Il s'agit de l'arrogance d'un individu qui a observé l'activité d'un service de renseignement national et a cru que sa propre vision de la loi et de l'éthique était supérieure à celle de ses collègues. Snowden devait croire son avis supérieur à tous les autres pour revendiquer une telle droiture morale. C'est très arrogant. Comment peut-on justifier la violation des droits d'une nation tout entière sans même pouvoir s'appuyer sur une loi? Comment se sort-on d'une situation dans laquelle les plus hautes autorités d'un État démocratique agissent contre l'intérêt public et en secret? Voici donc en nouvelle diffusion le documentaire Edward Snowden, ennemi d'État, qu'Histoire Vivante vous propose de voir ou revoir dimanche soir sur RTS2 et dès aujourd'hui sur le site des docs de la RTS. L'occasion pour nous de rouvrir une thématique en lien avec le sujet puisque nous avions évoqué ce thème en 2015 dans une semaine intitulée « Les Big Data ». Les Big Data ont une histoire plus longue qu'on ne l'imaginerait de prime abord. Quelques questions avant d'en venir aux invités. Comment s'est établie historiquement la connexion entre deux projets scientifiques à grande échelle pour aboutir aujourd'hui au Big Data? Et quels ont été ces projets? Que recouvraient-ils? Quels sont les chercheurs qui y ont participé? Comment travaillaient-ils? Dans quel but? Avec quels moyens? Comment en est-on venu à la proposition de collecte de données multiples? Voici pour les pistes. On en vient maintenant aux invités de cette émission. Ils étaient trois, réunis dans le studio. Coralie Tripier, traductrice. Bernard Reva, physicien et historien des sciences, entre autres. Et Elena Aronova, qui se présente à vous. Mon parcours n'est pas vraiment conventionnel pour une universitaire. J'ai commencé en fait à travailler dans la chimie. J'ai étudié la chimie à l'université de Moscou et ensuite j'ai travaillé dans un laboratoire de biologie moléculaire. C'est seulement ensuite que j'ai décidé de passer de la science à l'histoire des sciences pour différentes raisons, dont certaines sont pertinentes à la lumière de la discussion que nous avons aujourd'hui. Je ressentais notamment de la frustration lorsque je travaillais dans ce laboratoire qui me semblait appartenir à une très grande industrie. La biologie moléculaire, cela fait partie de la big science de nos jours. Et moi, je voulais faire quelque chose de différent, quelque chose de plus. J'ai commencé à lire des ouvrages au sujet de l'histoire des sciences et j'ai intégré un programme de formation en Russie, à Moscou, tout en continuant à travailler. And so it took me a while to realize that actually history of science is where my C'est à ce moment-là que j'ai compris que l'histoire des sciences c'était ma vraie passion. J'ai donc arrêté de travailler dans la biologie moléculaire et j'ai décidé de mener une carrière dans l'histoire des sciences en menant de front deux doctorats dans ce domaine. Mon deuxième doctorat, je l'ai obtenu aux États-Unis à l'université de la Californie à San Diego. Si j'ai choisi les États-Unis, c'est en partie parce qu'en Russie, l'histoire des sciences, même aujourd'hui, fait encore partie du domaine des sciences. Donc lorsque l'on reçoit un doctorat dans une science particulière, même lorsqu'on a étudié l'histoire de cette science, et non pas cette science, on obtient un doctorat en sciences. Donc moi, j'ai un doctorat en biologie alors que j'ai rédigé ma thèse sur l'histoire de l'immunologie. La raison pour laquelle j'ai choisi de faire ce deuxième doctorat, donc, c'est parce que j'ai voulu devenir historienne et il me semblait être l'initiation nécessaire à cette carrière. En ce qui concerne ma vie, non, ce n'est pas toute ma vie qui se résume à l'histoire des sciences. J'ai énormément de passion également. Grandit Trippier, puis-je vous demander de vous présenter aux auditeurs de la radio-télévision suisse? Bien sûr. Alors, je suis tout d'abord traductrice, donc à l'écrit, depuis 3 ans maintenant. Je travaille depuis l'anglais et le russe vers le français, étant moi-même française. Et je me suis lancée dans l'interprétation, un domaine qui me passionne récemment. Et donc, je suis sur le point d'obtenir mon diplôme en interprétation à l'Université de Genève. Faites-nous donc partager la passion de l'interprétation. Ça me parle beaucoup. Je ne sais pas pourquoi, mais ces mots-là... Je les entends, je les reçois. La passion de l'interprétation, c'est avant tout la passion de la communication, la passion de la pédagogie aussi, je dirais. Étant petite, j'ai toujours été très intéressée par la pédagogie, l'idée de pouvoir expliquer quelque chose, de pouvoir le disséquer et le donner à quelqu'un d'autre de façon simplifiée. Et je crois que l'interprétation, c'est ça, c'est le transfert d'une langue vers l'autre, mais aussi le fait de donner un message qui a été digéré par l'interprète. L'interprétation de propos tels qu'ils vont être tenus aujourd'hui scientifiques, c'est quelque chose auquel vous êtes coutumière ou c'est un peu une première pour vous ? Dans le monde professionnel, on va dire que c'est une première, mais l'Université de Genève nous prépare extrêmement bien à ce genre d'éventualité. Donc on fait beaucoup de recherches. Après tout, ce qui est bien quand on a ce type de sujet, c'est qu'on a du matériel, on a quelque chose à se mettre sous la dent. Donc on va pouvoir faire des recherches approfondies. Et puis tout ce qui va arriver autour va nous aider également, le contexte, les anecdotes, etc. Vous êtes aux premières loges pour pouvoir répondre à une question que je pense aussi valable pour Elena Aronova. Puisque vous êtes interprète, vous suivez la pensée d'une langue et la pensée dans une autre langue. Qu'est-ce que c'est que de penser dans une langue ? Est-ce que la science, quand on la pense en russe, on la pense d'une certaine manière ? Idem pour d'autres langues ? Est-ce que ce n'est qu'une affaire de traduction des mots ou... Penser dans une langue correspond à des ingrédients culturels, disons, plus larges, plus riches. Alors là, c'est une sacrée question, une fois de plus, que vous posez. C'est un véritable débat philosophique, même parmi les linguistes, il n'y a pas de réponse particulière. Mais moi, je pense qu'en effet, on est influencé par la langue qu'on parle. Donc, si on s'exprime sur un sujet en anglais, on aura des mots qui vont nous venir plus facilement à l'esprit. Et ces mots vont influencer le train of thoughts, notre façon de penser, ce qui va se rattacher à la pensée suivante. Donc, moi, je suis convaincue que de s'exprimer en anglais plutôt qu'en russe, plutôt qu'en français, ça a une influence sur notre pensée, oui. Que pensez-vous de cette question, Elena? I like this question very much, and especially the way how you responded it. I agree with you. J'aime beaucoup la question que vous avez posée et j'ai aimé également la réponse qu'en a faite l'interprète. Je suis d'accord avec vous sur le fait que la langue que nous parlons a une empreinte, va modeler nos idées. Translation is always interpretation. Being a historian, it's always. Et quand je vous écoute, vous parlez de traduction, d'interprétation, c'est sûrement quelque chose que l'on partage. Vous en tant qu'interprète, mais moi en tant qu'historienne, je suis tout le temps en train de traduire et d'interpréter l'histoire pour la rendre compréhensible dans le présent, à nous, qui nous trouvons ici actuellement. Il s'agit de donner du sens aux événements du passé. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que selon les pays, on a des histoires différentes. Cela correspond à chaque fois à une lecture différente, à une interprétation différente qui est faite de l'histoire. Vous n'êtes pas évidemment, vous qui nous écoutez, en train de nous voir, nous parler, nous quatre qui sont autour de cette table, mais vous pouvez peut-être vous l'imaginer, d'autant plus si je vous décris la scène. Nous sommes quatre personnes autour de la table et chaque personne est en train de regarder à la fois devant elle et puis sur les côtés pour se parler. Mais de par la disposition même, nous nous trouvons à un endroit, chacun, individuellement, où nous avons tous un point de vue devant nous qui est différent. Et c'est cette question des différences de point de vue qui, évidemment, joue dans cette question de l'interprétation, de la lecture, du regard. Je vais me tourner maintenant vers Bernard Rova, qui a déjà été au micro d'Histoire vivante à plusieurs reprises. Profitons-en, puisque ça fait déjà un petit moment que l'on vous avait eu, pour refaire quelques présentation. Voulez-vous bien vous présenter aux auditeurs de la radio-télévision suisse, s'il vous plaît? Oui, bonjour. Par ma formation, je suis physicien. Mais pour rebondir sur ce qui a été dit jusqu'ici, la question des frontières, la question des traductions et des interfaces, je m'en suis rendu compte beaucoup plus tard et ce qui m'a toujours passionné. Et donc, au retour d'un post-doctorat aux États-Unis, j'ai commencé à m'intéresser à la question de l'histoire des sciences, mais d'un point de vue institutionnel. Et en particulier de la transformation des institutions et des disciplines qui exigeaient du monde académique de se tourner vers le domaine économique. Et c'est là vraiment que j'ai pris vraiment la mesure de la question des interfaces. Ce qui m'intéresse, c'est une approche pratique, c'est-à-dire que j'essaye de me situer ou d'avoir une activité dans ces interstices, ce qui a pris plusieurs formes. D'abord un travail comme historien des sciences au milieu d'un réseau de scientifiques. Et puis aujourd'hui aussi dans la création d'entreprises, avec vraiment l'objectif d'en faire des laboratoires dans lesquels on expérimente différents enjeux de notre époque. Et notre dernier projet concerne la science citoyenne. Nous avons un projet dans lequel nous injectons de la science à l'intérieur de jeux vidéo. Et à travers ce projet, ce qu'on essaie de faire, c'est d'interroger la question de l'expertise. Où sont les experts? Est-ce qu'il y a une expertise du joueur scientifique? Est-ce qu'il y a une expertise du joueur et est-ce qu'il y a une expertise du scientifique? Et combien toutes ces expertises s'interrogent, se recoupent ou pas? Donc on se réserve aussi la possibilité d'échouer, ce qui est très important dans ces projets. Bernard Rova, dans la définition que vous donnez là de vos centres d'intérêt, diriez-vous que ce qui est intéressant ou fascinant à inspecter relève de quelque chose qui est les zones sensibles, les zones émiettables, les zones de fragilité, non pas effectivement, et c'est peut-être un moyen de se distancier de la science dans son aspect, disons, le plus positif, le plus prometteur, mais de rappeler toujours que l'approche, et parce qu'elle est humaine, parce que le questionnement est humain, doit accepter l'échec, ou l'erreur, ou la fausse piste, qu'il y a là, dans le domaine que vous explorez maintenant, peut-être plus de possibilités d'expression de cela. Je pense qu'il y a des intérêts personnels, un goût du risque, un plaisir de l'adrénaline à se situer dans ces endroits où les constructions qui sont absolument nécessaires dans la modernité, dans l'évolution des sciences, il a fallu construire les disciplines, il a fallu construire le domaine académique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'après une certaine période, et ça a été décrit par beaucoup d'historiens des sciences, en particulier la question du paradigme et de la révolution en sciences, au bout de certaines périodes, ces édifices ne permettent plus de rendre compte des enjeux, ne permettent plus de décrire ce que, on dira d'une façon générale, oui, pour simplifier, la société demande aux institutions scientifiques. Ces constructions, par exemple, de nouveau, une discipline scientifique comme la physique, la chimie, et qui peut avoir même une réalité architecturale, ça peut être vraiment des bâtiments qu'on voit dans nos villes, peut ne plus correspondre. Et c'est dans les interstices, dans les interfaces, dans les zones de frottement que se créent nouvelles façons de penser la réalité. Ce sont aussi des zones dangereuses, ces zones qui peuvent être des zones d'exclusion, mais ce sont les zones fertiles. Et on peut aussi étendre ça à l'activité économique. C'est presque un principe schlumpeterien de destruction et de reconstruction qui existe à l'intérieur du monde économique et que finalement on retrouve à l'intérieur du monde des disciplines et du monde des institutions. Et cette façon de penser et d'évoluer, je pense, s'oppose à d'autres modes ou d'autres types de civilisations qui ont pu exister, par exemple la civilisation du Moyen-Âge, qui reposait sur l'horreur de la révolution et sur une impression de continuité. Nos sociétés, elles, vivent sur des cycles de construction et de remise en question. Et les questions qu'on discutera aujourd'hui d'interdisciplinarité, de renouvellement de certaines pratiques sont exactement dans ces endroits que j'appellerais fertiles, mais potentiellement dangereux. La Terre, scène dévolue à notre humain passage, aujourd'hui laboratoire de la plus grande aventure scientifique de tous les temps. De juillet 1957 à décembre 1958, pendant 18 mois, l'année géophysique internationale poursuit l'étude de l'environnement de l'homme dans l'espace, étude menée par tous les savants de ce monde où nous vivons. Que mesurer et comment le mesurer ? Pendant le XXe siècle en particulier, les progrès totalisés dans les domaines de la science et de la construction scientifique ont doté l'esprit de moyens nouveaux. Outils de recherche neufs, instruments électroniques qui peuvent détecter l'inconnu, maîtriser les puissances nouvelles, révéler l'invisible, mesurer l'ancien incommensurable. Nous avons donc autour de la table Elena Aronova, Coralie Tripier, qui assure l'interprétation des propos d'Elena, et Bernard Reva. Elena et Bernard sont l'un et l'autre historiens des sciences. Dans Histoire vivante, vous le savez, vous qui nous écoutez, la question de l'histoire, c'est renvoyer à des événements, renvoyer parfois à des batailles, renvoyer à des personnages. Mais l'histoire des sciences, qu'est-ce que ça peut bien être ? Est-ce que faire de l'histoire des sciences, c'est faire l'histoire des grands scientifiques? Est-ce que ça ne serait pas aussi, peut-être, faire l'histoire de qu'est-ce que fait la science quand elle fait ce qu'elle fait? Je ne sais pas si vous avez compris la question, c'est un peu du Raymond DeVos. Que fait la science quand elle est au travail? Que fait la technologie quand elle est au travail? À l'occasion des big data, dont il est question tous ces temps-ci, dans Histoire vivante, nous allons essayer de comprendre un certain nombre de choses dans ce domaine. Nous nous intéressons à un article qu'Elena Aronova nous a fait parvenir, on l'en remercie, sur l'émergence, pendant la guerre froide, de ce qu'elle appelle déjà du big data. Big data pendant la guerre froide, chère Elena, ça ressemble à de l'anachronisme. Est-ce de l'anachronisme ? Est-ce que Big Data, c'est une question d'aujourd'hui ? Ou déjà, en 1950-1955, on parlait de Big Data ? D'accord, yeah, I understand. So, Big Data in Cold War already in the 1950s. Alors, où commencer dès les années 50, ce que l'on appelait le Big Data aujourd'hui. Au cours de la guerre froide, déjà, c'était la façon dont les sciences considéraient les changements qui se faisaient dans leur pratique de gestion des données. And scientific processes per se. Il faut dire que certaines des institutions, Bernard vient de parler du lien entre les institutions et les disciplines, certaines des institutions créées dans les années 50 sont désormais qualifiées d'institutions de big data pré-électronique. Let me give you an example coming from some of the material that par exemple, d'après les documents que j'ai étudiés au cours de mes recherches, dans les années 1957 et 58, on a lancé un grand programme scientifique international. Il s'agit de l'année géophysique internationale. Et cette année géophysique internationale, c'était l'une des plus grandes entreprises scientifiques du XXe siècle. D'ailleurs, Spoutnik, le premier satellite artificiel qui a été lancé, faisait partie de la contribution de l'Union soviétique à ce programme. Mais surtout, ce que ce programme a permis, c'est l'organisation de la collecte des données au niveau mondial et leur échange parmi plus de 65 pays qui participaient au programme. Pour la première fois en géophysique, les données ont donc non seulement été collectées, mais aussi conservées dans des dépôts que l'on a appelés les centres mondiaux des données, puis échangées entre les pays et conservées pour une utilisation ultérieure. Ces centres mondiaux de données ont permis d'institutionnaliser les pratiques dans le domaine de la gestion des données, et c'est ce qui nous a permis d'avoir aujourd'hui les données en accès ouvert, le partage des données, l'archivage des données, etc. Straightforward continuity between the practices of world data centers. Et moi, dans mon travail, ce que j'essaye de faire, c'est de voir quelle a été l'évolution de la gestion des données depuis les pratiques des centres de données mondiaux dans les années 50 jusqu'aux données en open access, en accès ouvert que nous avons aujourd'hui, mais tout cela en le remettant dans un contexte historique, en voyant quelle a été la continuité et parfois les ruptures de cette évolution de façon un peu plus nuancée. Les voilà bien, les grandes aventures modernes. Trajectoire sinusoïdale tracée en projection de Mercator pour une orbite à 35 degrés et dont les rumeurs appartiennent à l'humanité tout entière puisque tous les savants du monde essaient d'en comprendre les voies. Le monde est le laboratoire de ces hommes. Leur but, la science seule. De même que les savants de 64 nations se sont unis dans l'effort commun, de même l'humanité bénéficiera des trophées conquis par la plus belle et la plus noble croisade scientifique, l'année géophysique internationale. Il n'y a pas de fin à la recherche, la science ne connaît que d'éternels commencements. Alors, Elena Aronova, avant que vous ne poursuiviez cette présentation, un tout petit moment d'arrêt, ça sera une question de moi, et puis je vois que Bernard Rova avait également levé la main, donc il voudra peut-être intervenir, mais je vais peut-être finalement poser sa question, je n'en sais rien. Quand vous dites « guerre froide, des scientifiques travaillent ensemble », donc on imagine notamment des scientifiques américains et des scientifiques russes, en pleine guerre froide. Mais qui signe les autorisations? Qui a dit qu'ils étaient d'accord? Comment admettre coopération internationale, scientifique, et guerre froide? Comment ça s'explique, ça? On the one hand, you have this period of political tensions. Oui, en fait, ce mouvement des big data a été permis par la convergence de différents facteurs lors de la guerre froide. Tout d'abord, les tensions politiques, surtout entre les États-Unis et l'URSS, mais également le fait que les disciplines de la géophysique ont commencé à s'intéresser énormément et à avoir énormément d'importance au sein de la stratégie militaire. C'était des disciplines importantes pour la création des sous-marins, des missiles, des armes nucléaires. Et donc, on avait besoin de données pour permettre ces avancées militaires. On avait besoin de recevoir des données provenant des territoires ennemis, mais également des territoires alliés, enfin du monde entier. Scientists knew perfectly well the military needs and the kind of strategic importance that they can bring into the secrecy regulations. En même temps, la guerre froide a rendu de nombreuses données secrètes. L'échange de données était difficile. Et donc, cela a été l'une des incitations derrière ce programme de l'année géophysique internationale. C'est que les scientifiques savaient que pour leurs propres besoins militaires, il était important d'assouplir cette classification secrète des données. Of a specific Cold War type of scientific cooperation. International cooperation are always both cooperation and competition, and you can trace this kind of two sides and in early modern or even pre-modern times. Et donc, l'AGI est un exemple parfait de la coopération scientifique à l'international pendant la guerre froide. Of Académie française or British Academy. Une coopération internationale, cela a toujours voulu dire à la fois une coopération, mais aussi une compétition, forcément, depuis toujours. Il y a toujours eu des intérêts commerciaux qui sont entrés en jeu, qu'il s'agisse de la coopération, par exemple, entre l'Académie française, britannique et les institutions royales. Another aspect of this program coming together and facilitating and making possible this extraordinary exchange of strategic data between political adversaries. Mais la guerre froide a permis de combiner ces facteurs et notamment l'espoir des scientifiques d'une coopération plus importante qui permettrait de calmer les tensions politiques internationales. Global methods and global approaches, which goes back, which predates Cold War and goes back to the beginning of the 20th century. L'autre aspect de ce programme qui a permis un échange extraordinaire de données stratégiques entre des ennemis et des alliés politiques, c'est le volume des données. Closing the data gap was the major incentive behind this program. In order to get those data, critical data, you need to give something back. One of the interesting features of this Cold War type scientific internationalism and data exchange. En géophysique et dans les sciences de la Terre, de plus en plus on adoptait une approche internationaliste, déjà avant le début du XXe siècle d'ailleurs. Mais pendant cette année géophysique internationale, on s'est rendu compte qu'il fallait absolument combler les lacunes en termes de données disponibles. Et bien sûr, avec 65 pays participants au programme, les données, le volume de données que l'on envoie est bien inférieur au volume de données que l'on reçoit. Donc cet échange a permis des volumes de données extrêmement importants. Les données sont devenues une monnaie d'échange entre les pays. D'ailleurs, on en trouve de nombreuses preuves dans les archives scientifiques. On voit de nombreux scientifiques qui parlent du volume des données qu'ils ont reçues, un volume absolument extraordinaire. The amount of data that you are giving away. So this kind of political calculation was part of this kind of exchange. Donc c'est ce calcul politique qui a permis l'envoi de tant de données dans les centres mondiaux de données, qu'il s'agisse de pays ennemis ou de pays alliés. Demain, suite de ces entretiens en compagnie d'Elena Aronova, physicienne, chimiste et historienne des sciences, et de Bernard Rova, physicien et historien des sciences. Merci à Coralie Tripier pour la traduction. La réalisation de cette semaine est signée Jean-Philippe Zvalen.